motino salinga Lusa tete, tu m'as refusé ta main Mon me suis déçu, c'est que je ne peux oublier Lusa la limite, c'est la bamba Je vais te vouloir, toi pas vouloir. Lusa, olinga kinga ite, solo na koka moi, motindo salinga. Lusa tete, tu m'as refusé ta main. Moi me suis déçu, c'est que je ne peux oublier. Plein de tristesse et de larmes. Lusa sentait combien je l'aime. Amour et fidélité, notre amitié. Je pense pour dissiper à toi ce moment triste. Moi aussi partir, toi aussi rester. Lusa, olinga kinga ite, solo na koka moi, motindo salinga. Lusa tete, tu m'as refusé ta main. Pour me suis déçu, c'est que je ne peux plateau. Pas de mame. Youssouf, Bérété, au plateau.